أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. أسأل الله تعالى أن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم. Donc le sujet c'est Ashura. Donc mes frères de foi, la louange est à Allah, nous le louons, nous lui demandons son aide, nous l'implorons de nous guider sur le chemin de droiture et nous le remercions, nous le supplions et de nous pardonner et nous nous repentons à lui. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, le seul à ne pas avoir d'associé. Lui qui n'a ni similaire, ni semblable, ni égal. Et je témoigne que notre maître et notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, la cause de notre joie, Muhammad, qu'il est son esclave et son messager, son élu et son bien-aimé, celui qu'Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur contre le châtiment. Oh Allah, élève davantage en degré notre maître Muhammad, ses proches musulmans et les pieux de sa communauté, ainsi que ses compagnons bons et purs, et préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim, et de prendre pour modèle les prophètes et les messagers et de vrai pour gagner l'agrément de Allah. Allah Al-Ali Al-Azim dit dans son livre qu'il ne comporte aucun défaut ni aucune incohérence. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ أَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Sourate Al-Ankabut, ayat 14 et 15. Ce qui signifie: nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il est resté 1050 années parmi eux. Le déluge les a emportés. Ils étaient injustes. Nous l'avons alors sauvé, lui ainsi que ceux qui étaient sur l'arche chez nous. Et nous en avons fait un signe éclatant pour les mondes. Et il dit Allah Ta'ala aussi dans Surat Ash-Shu'ara, ayat 63 à 68: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَقْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم. Ce qui signifie: nous avons révélé à Moussa de frapper avec son bâton la mer. C'est alors que la mer s'est fendue en parties. Chaque partie était à l'image d'une grande montagne. Et nous avons rapproché les autres et sauvé Moussa ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Nous avons fait noyer les autres. Il y a certes en cela un signe éclatant. La plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Et certes, Allah est Al-Aziz Al-Rahim. Chers bien-aimés, dans quelques jours aura lieu la commémoration de Ashura. Donc le 10e jour du mois de Al-Muharram. Donc c'est le lundi qui vient. Et donc il est recommandé de jeûner ce jour-là et un jour avant, à savoir le dimanche et le lundi. Et si on ne jeûne pas un jour avant, c'est bien de jeûner un jour après. Et chef, il a même dit qu'il est recommandé de jeûner les trois. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de jeûner conformément au hadith. Donc c'est la commémoration du jour où Allah a sauvé du déluge notre maître Nuh, alayhi salam, et ceux qui étaient avec lui. Il les a fait descendre sains et saufs de l'arche. C'est également la commémoration du jour où Allah a sauvé notre maître Moussa alayhi salam, ainsi que les musulmans qui l'avaient suivi, de Pharaon l'injuste, le mécréant et grand désobéissant. à ce sujet, l'imam Ahmad rapporte de son Mousnad avec une chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, que Allah l'a agréé, que le prophète est passé auprès des gens faisant partie des mécréants, des fils d'Israël, qui étaient en train de jeûner le jour de Ashura. Il leur a dit: Ma hadha min as-sawm, ce qui signifie: qu'est-ce que ce jour représente pour que vous le jeûniez? C'est lundi 3. Lundi 3 novembre. Donc il est recommandé de jeûner. Et le dimanche avant. Ils ont répondu: c'est le jour où Allah a sauvé de la noyade Moussa et les fils d'Israël, alors que Pharaon est mort noyé. Et c'est le jour où l'arche de Noé s'est établie sur Al-Joudi, le mont en Irak. Noé et Moussa l'ont jeûné pour remercier Allah Ta'ala. C'est alors que le prophète alayhi salam a dit: Ana ahaqqu bi Moussa wa ahaqqu bi sawmi hadha al-yawm. Ce qui signifie: c'est moi qui suis sur la religion de Moussa, c'est-à-dire l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, et qui suis prioritaire pour jeûner ce jour-ci. C'est alors qu'il a dit à ses compagnons de jeûner. Donc fin du hadith rapporté par l'imam Ahmed. Mes frères de foi, notre maître Nuh alayhi salam a été envoyé par Allah à des gens mécréants. Donc c'est le quatrième prophète et le premier à être envoyé à des mécréants. Avant lui, il y avait Adam, Shit, Idris, tous les gens de leur peuple étaient des musulmans. Donc Sayyidina Nuh, il s'est mis à les appeler à l'islam de nuit comme de jour, en secret tout comme au grand jour, tantôt en leur évoquant la promesse de récompense pour celui qui obéit, tantôt en leur parlant de la menace de châtiment pour celui qui n'obéit pas. Il est resté ainsi 1000 années moins 50, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été croyants. Ils ont persisté sur leur égarement et sur leur tyrannie. Ils ont fait preuve d'animosité envers lui et lui portaient nuisance par la moquerie et les coups. Ils ne le lâchaient que lorsqu'il perdait connaissance, pensant qu'il était mort. Ainsi Allah le guérissait. Pour autant, cela donc ne l'a pas détourné de l'appel à la religion agréée par Allah, mais au contraire, Nuh alayhi salam venait à nouveau pour appeler à la foi de l'islam sans aucune lassitude, sans ennui, jusqu'à ce que Allah lui révèle que, mis à part ceux qui étaient déjà croyants, personne d'autre n'entrera en islam. Donc on lui a révélé qu'il y aura plus, il y aura plus de gens qui vont entrer en islam. C'est alors que notre maître Nuh alayhi salam a fait une invocation contre les mécréants en disant: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Et Nuh a dit: Seigneur, fais qu'il n'y a plus sur terre un seul mécréant vivant. Allah fait que s'abatte sur eux son châtiment, et ce fut le déluge qui n'a laissé aucun mécréant vivant. Il a sauvé son peuple, son prophète, ainsi que ceux de son peuple qui avaient cru en lui. C'est-à-dire, Allah a sauvé Nuh et les musulmans grâce à l'arche que notre maître Nuh avait fabriquée sur l'ordre de Allah et que Allah a préservé par sa grâce. Chers frères de foi, notre maître Moussa alayhi salam a vécu à l'époque d'un injuste, d'un tyran qui s'appelait Pharaon, qui prétendait la divinité. Que Dieu nous préserve de pareilles mécréances. Allah a ordonné à notre maître Moussa alayhi salam d'aller voir Pharaon pour l'appeler à l'islam et à croire en Allah, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de ressemblant. C'est ainsi que Moussa alayhi salam partit vers Pharaon et lui montra des miracles éclatants qui prouvent catégoriquement qu'il était envoyé de la part de Allah. Malgré cela, Pharaon a mécru et a fait preuve d'orgueil. Il a fait du tort au peuple de Moussa composé de croyants. Moussa alayhi salam est parti avec les fils d'Israël qui l'avaient suivi. Ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient environ 600 000. Alors Pharaon est parti à leur poursuite avec 1 600 000 combattants. ils étaient 600 000 environ, lui il était 1 600 000. Il voulait anéantir Moussa et ceux qui étaient avec lui, mais Allah a ordonné, a donné la victoire à son prophète. Allah Ta'ala dit: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ce qui signifie: nous nous avons révélé à Moussa de frapper avec son bâton la mer. C'est alors que la mer s'est fondue en partie. Chaque partie était à l'image d'une grande montagne. Cher bien-aimé, la mer s'est séparée, a laissé apparaître 12 montagnes d'eau immense. Et entre deux montagnes, il y avait un chemin de terre ferme. Moussa alayhi salam et ceux qui étaient avec lui se sont engagés dans la mer. Pharaon et ses soldats les ont rattrapés, mais Allah a fait noyer Pharaon et ses soldats, puis a sauvé Moussa alayhi salam ainsi que ceux qui étaient avec lui. Allah Ta'ala dit: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. سورة يونس آية 90-91. Ce qui signifie: nous avons fait que les fils d'Israël ont pu traverser la mer. Donc Dieu a fait qu'ils traversent la mer. Pharaon a essayé de les rattraper injustement, lui et ses soldats. Et quand ils étaient sur le point de se noyer, il a dit: je crois qu'il n'est de Dieu que celui en qui ont cru les fils d'Israël, et je suis au nombre des musulmans. C'est maintenant que tu dis cela, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais au nombre des corrupteurs. C'est-à-dire que lorsque Pharaon a su qu'il allait mourir noyé, il annonça le repentir, mais le repentir n'est pas utile dans cette situation. En effet, parmi les conditions du repentir, il y a qu'il doit avoir lieu avant d'avoir atteint un état où tout espoir de vivre est perdu. Comme par exemple le cas où quelqu'un est en train de se noyer inévitablement. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon, cet ennemi de Dieu. Donc il n'a pas été accepté de lui. Allah Ta'ala dit: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ce qui signifie: le repentir n'est accepté ni de la part de ceux qui font des péchés et qui, une fois sur le point de mourir, disent: maintenant je fais le repentir, ni de la part de ceux qui meurent en étant mécréants. Ces gens-là, nous leur avons réservé un châtiment douloureux. Sourate An-Nisa, ayat 18. Chers bien-aimés, les prophètes de Allah ont donné des exemples concernant l'appel à la religion agréée par Allah et à patienter pour réaliser cela. C'est sur leur voie que les compagnons ont œuvré, ainsi que les gens éminents de la famille du prophète. Ils ont donné de leur propre personne pour défendre la religion agréée par Allah. Et l'exemple de Hussein, le martyr que Allah l'agrée, n'est pas loin de nous. En effet, il a vu quelqu'un qui n'était pas apte à diriger les affaires des musulmans s'avancer pour prendre le califat inopinément et s'emparer du pouvoir sans agrément de la part des gens de mérite et sans un pacte d'allégeance de la part des gens qui connaissent les intérêts. Il a annoncé haut et fort qu'il désapprouvait cela et il s'est abstenu d'approuver cela car c'était au détriment de l'intérêt religieux. Il s'est attaché fermement à la vérité tout en ordonnant le bien et en interdisant le mal jusqu'à être tué. Lui qui est le fils de la fille du messager de Allah, fils de Fatima, il est mort martyr et victime, assassiné par les soldats du grand pécheur et immoral. Mais grâce à cela, il a gagné une récompense imminente selon le jugement d'Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder la réussite afin de prendre exemple sur ces illustres et de vrai sur la voie qu'ils ont suivie. Et cela n'est pas chose difficile pour Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alameen. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.